Er weer een uur, dat zullen we heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Hind à Brésonc. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour l'émission Hind à Brésonc. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué, l'émission 439, Père No à Trégonde. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, enfin qu'on entend et qu'on lit, hein. Qui existait depuis très longtemps, mais qui, dans le breton d'aujourd'hui, est assez utilisé, c'est « arvar ». Qui veut dire ? Alors, qui veut dire qui veut dire « danger ». En fait, c'est la forme « un arvar » qui veut dire « en danger ». D'accord. Alors, on l'entend très souvent maintenant, hein, par exemple, on va entendre « en brezon ne xoriez un arvar », hein, le breton, c'est une langue en danger. Hein, l'UNESCO la classe dans les langues les plus en danger. Actuellement, pour des tas de raisons, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, on peut dire aussi « Zevena d'Urbreiz ou Anarva », hein, la culture bretonne est en danger. Ou bien, pour des monuments, par exemple, « Chapellement zo Anarva », cette chapelle est en danger. Alors, souvent, dans la conversation courante, on disait « un danger », hein, qu'on prenait le mot français. Mais de plus en plus, le mot breton revient à la surface. C'est pas un mot que j'ai souvent entendu, j'ai pas l'impression. Non, c'est pas un néologisme, mais c'est un mot qui revient. Voilà. Alors qui est dérivé d'ailleurs de mar, hein, qui veut dire si, qui est une forme qu'on n'entend pas beaucoup non plus, hein, on l'entend que dans marpluche et quelques expressions comme ça. Hein, en général, on entend ma, hein, et même pour dire marpluche, hein, nous on n'entend pas le r en fait, hein. Voilà, et ça vient donc du mot mar qui veut dire si. Donc arvar, on avait autrefois on disait plus souvent warvar. Warvar, c'est-à-dire dans l'incertitude, voilà. Chomedé warvar, hein, il est resté dans l'incertitude, dans l'interrogation. Alors donc narvar, hein, voilà, ça c'est un mot qu'on entend très souvent maintenant. Et qu'on lit aussi, hein, j'ai lu mon Yad de la semaine, là je l'ai trouvé deux ou trois fois, hein, par exemple. Une fois pour la langue, une fois pour la culture, et puis une fois pour un bâtiment, quoi. Donc voilà, c'est des choses qu'on entend très souvent maintenant. Il faut que je lise Yad. Hein? Il faut que je lise Yad pour connaître plus de mots. Faut lire Yad, ah oui. Bon, c'est notre moment de pub, oui. Oui, c'est très intéressant, c'est un petit journal très intéressant. Et pour les gens qui apprennent le breton et pour les gens qui le parlent le breton, et pour apprendre à lire, c'est très intéressant. Voilà. Et il y a aussi un article en gallo pour ceux qui veulent apprendre le gallo. Voilà. Alors, il y a ce mot un arvar et des dérivés aussi. Arvarek, par exemple, ça veut dire douteux. Hein. On dira arvarek, hein, une chose douteuse. Un verbe aussi, hein, arvarin, qui veut dire, alors qui peut avoir plusieurs sens en fait, qui peut dire hasarder, hein, arvarin on dra beneket, hein, hasarder quelque chose, hein, oser, enfin essayer, tester, hein, c'est douter aussi, arvarin, hein, et compromettre aussi, compromettre une opération par exemple. Donc c'est un verbe, hein, comme souvent en breton, qui a plusieurs sens, en français aussi d'ailleurs. Il y a des verbes qui ont plusieurs sens comme ça. Alors, arvarur, qui veut dire sceptique, avec un C après le S, quoi, hein, pas comme la fosse. Hein. Sceptique, hein, qui doute, hein, arvarur. Et arvarus, arvarus qui veut dire douteux. Voilà, alors arvarus, donc c'est douteux, hein. Et dit arvarus, c'est incontestable. Bien sûr, on ne peut pas douter, en fait. Hein. Voilà. Il y a aussi divar. Alors, divar, qui veut dire indubitable. Bon, c'est un peu le même sens, hein, que dit arvarus. Hein. Voilà. On emploie aussi divartese. Hein. Divartese, puisque martese, c'est peut-être... Hein, on entend des fois « hémar la martese ». Donc ça, c'est une redondance, hein, sans condition en fait, hein, de façon certaine. Hein, « hémar la martese », hein. ». Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit, oui, l'Acadivu et l'Harvard, c'est mettre sa vie en danger, quoi. Mm-hmm. Voilà. Alors, Ivu, si c'est un homme, et Ibu, et si c'est une femme. Voilà. L'Acadivu et l'Harvard. Voilà, ben on va pas se mettre trop en danger, donc on va s'arrêter là, quoi. Très bien, Henri. On passe à la deuxième partie d'émission. Brezonek t'en m'attend. Henri, on passe à la seconde partie, c'est Brezonek t'en m'attend. Ben, on était allé faire un petit tour à Zantolec, comme d'habitude, Chanik va à Zantolec. Oui, voir, elle était allée voir Iwan, oui. Oui, Iwan Danteg, hein, qui est... Ben, le producteur de cidre. Hein. Oui, à Kerizel, oui. Ouais. Et un producteur qui fait pas mal, qui sort pas mal de bouteilles. Oui, voilà. Alors, on continue à les écouter. Plein en moment, Iwan. En me hom, banata yorgist. En me mentou d'or binfiu de burgiste. Dré en man et te en avalo d'un ataïa. Ya, don dera en avalo en me gant en dour, gualra de nyam, a kasset d'ar vilin, a zi ve draie d'un arlo, a gen avalo marlet, ve la ke d'an man balouer yo dir, pa pember. A kasset d'ar pressour goudé. Juz mad, a zi mort pressour. Ne ket d'ar pressour mot kous. Non, o pressour dipose, zelet, en avalo ya barz dré on tu, hag a ya mezh re'n tuel, hag ur chuk eus ur mezh re din dan. Ma de da evan ? Ya, de te dan va ma peusoan, Chanik. Et Chanik, elle y va, parce que de toute façon, elle fait bien son travail. Oui, oui, oui. Donc elle goûte tous les produits. Voilà. Voilà. On reprend phrase à phrase, donc ce dialogue, pour aller un peu plus loin dans le domaine du cidre. Plairon Baman, Iwan. Oui, où sommes-nous ici, hein, Plairon Baman ? Alors c'est un mot, mais nous on coupe un peu. Hein. Plairon Baman, Iwan, où sommes-nous ici, Iwan ? Hamon omba nataya chist. Ya. Chist. Hamon omba nataya chist. Nous sommes dans l'atelier du cidre, hein, l'endroit où on fait le cidre. Hamon man tout dar binviu de burgiste. Ya. Hamon man tout dar binviu de burgiste. Hein, ici, il y a tous les outils, hein, toutes les machines pour faire le cidre de burgiste. Alors, Chanik demande dréhamon et te en avalo ba nataya. Voilà. Alors, elle demande dréhamon. Par ici, te en avalo. Viennent les pommes, hein, banatailleurs dans l'atelier. Parce qu'il y a un petit fossé là par où une rigole, hein, par où vont venir les pommes. Hein. Elles sont portées par l'eau par en l'eau, fait. Il y a donnera en avalo en mangandour. Il y a donnera en avalo gandour. Hein. Les pommes viennent ici, gandour portées par l'eau, avec l'eau.

Huls, de zer i en trevad ou diouzan, de l'arade en maïs hag ur betraves, hag manevek regleb un douar vo estor zer i ur maïs. Me meuzon vo bra an amz ur roaz betag. Hant ur mis hag an se matrezen vo moyen de zer i ur maïs matri. Bon, tramen ade ur voar nebelion ba plantel, zevegret de l'untient an emis her e bepla, hag aze zo be kalz e dut, a kalz e diezek. Hag prestig e vorroaz e voar dierien, ba fin emis, hag wegel e warroaz oa ler e voar dierien oa voar plij di, de nei mis du, an de de oa ler e gwen ol zen, hag a vigel arad, pizur ze oa ur vej di ouzan de verzo ne belion vigelard, ba voar plij di, o nebel vi priz o hi. Bon, gwegel oa kalz voar, yo hein, ba la ruen oa, voar la ruen goz, ba mis her e ive. Bon, bremañ, fe chuet gant voar di ar yann. Hag ar zo roar vo kalz du droaz evel bepla. Kom se meus an tamm deus giz dar, bremañ vo, presti yon houls d'oper giz, pe dur, Naval ou zo bet deux d'abretor terz un abretor vid de blai oel a setu bon vo gret gis oas hag breiz ve gret nantor de ze gis ve gret ba brovrans ve gret de breiz a pensez ezo an dra bouez vid or vro hendel zo bet kalz heureuz gant labo rer a yon douar ra o ar dro legumach pe dur zo kuden ou gant prise legumach hag evel just legumach so bouez in breiz hein, peut dur et tient en rand vro vid de legumach brovrans spen un anter de ze pinochet goudret petarier pinochet un épinard hein, vegret en breiz a spen perugen dregant de ze hol fleur de ze nartichoyo a de ze chalotes a c'est tu PVIs et la prise et vel juste vers Gud en vase et vide Ovro. A grand laboureur yon douar zo sevel mors au QD Noras, puis dur reprise au Reise les vel juste. A gavec digas de King Mordes Broyoel, bon c'est tu zo QD no ganzeroas. Bon, donc vraiment, on va redacher nos politiqueres, ma peçoine. Tramen et dire votade, gavi Camberegos. Cambregos et Arsena, quoi. C'est au sens, mais bon, mais tu causes tout, mais sens et Arsena, ouais, Cambregos. Ag, bon, change des un temps, un trop, dur, leur mode, zo, être, dans un tuguen, leur vejme. De l'art à des, aux jacobines de un tuclay, une, roue d'ogardeur de jacobines de un tuguen. Bon, ag, d'où, jacobines de zervos, un du, zo, d'aide, bars, y vit. J'y vois zin chancho que calz dra vid da son ombro, de mjonch, peut-dur, bon vec chilo que calz vretonet, war da son orvro, peut-dur a razo bet d'or pez manifesta de braz ben naunet, vid goul ve fe bet had un vanye de breiz, da ralar de vijabis had stag de bro naunet de vreiz, a zo bet de tregond mille dud ba streidou naunet, mais de bonne grédant que vos goals aient fait du zendrasé. Puis dur, ne veut que de chilo ou de pisvelard, d'ag angbras meuse heferoise, ur maud gant ur jacobine, gwar an dachens. Hendel, ba département de Nodo en Arvor, am vos changes d'or préfet, bon zé zoma meus maud, zé changea que calzdra ur préfet pionnel. Bon, grédant que change osé calzdra. Bon Hendel Bavroz au Bertrand me mestra un trou Hawarog Barostren Ersinebreis vos rat prennent grand baus pe grand un ticket ma peçoin vide 30000 pem quand euro a gadis halo Sinebreis mon un drop dur neskemeder ba Kreisbreis ba CCKB ma peçoin neskemeder cinémas hag zezo an didu vid an dun me mesra, me dra o bouiz, hag tram de oa cinema war an dach an numeral neus ke gwal belzo, a ze neus lak a kalz de frejo, setu vid ar Gev Rodriguez e rebondan bremañ, hag ober a labourio da skouer war an doen, a dis vo prene gant an tiker, hag vo gred labourio gant un tiker. Bon, kom se vekals deus len gwer an ledan, pe dur ba bla daou vil pem, zeug vo skarz e de len, hag gotez eus ve kals d'ouristet a tudel, a tud eus evro, beb sortud de vel de pe sa mod vo kont, pe vo skarz e de len. Hendel, ba ya un dram eus gwelet, ba gwen gam zo bet zer e de mail gant un tiker, pe dur zo deg golo en pe deg rusken ma peson, war gwen gam. Hag ur mail ze ve zo mail gret ba gwen gam. Hag bon ve c'hoet un dud vek e gwerz, da. Me c'hoet ved un dud de regoz a beb sortut, hein. Zezo an tamm bruderez vit kier gwen gam, ma vilard e yar kier gwen gam, pe dur zo gwen anet. Hein. Bon, hendel... Igor, zo bet ur zal ur gwell yo neve bag ur unul. An tamm pe bler, pe barouz ur an tamm zal, me mestra, hag zezo bra, vid ur barouz. Pez chanchet vo Peter Wenhon de l'ar a dia, ya ba bro gwellet ve tud deus bro China o ton ve jen amzor bavro am de vel de un dachen. A matrezen vo bon grel vo stal braz ba karez, hein, vide lez, zirad, hein. Me matrezen vo le, grel le ahel stalio, vide kasbouit de brochine. Gwell vo pe sa mod vo kont. Hendel meus gwellet ba karnoet vo zobe de lak de c'hwerz an neve, ba draunien ur zen, hein. Hag ur rez e zant jawa, zant mode, arzel, edern, gwen a gwenole. Hag zera tretoun hant ur kant bremañ. Hag ovo Igor un hant ur kant zant ze ben un eve amza. Hag setu bon ma trezen te ikal zetud, deja zo be kal zetud, ba kar noet hag devel de ur zent. Bon, setu mem gren on tamm tro war pesonne ve bavro, a ben ve gel vo gre oaz. A la an dar tienavo an, kenavo de chilo ve aien. Kenavo eri.